Tu manges trop de gâteaux. Tu devrais en manger moins. Tu ne fais pas assez de sport. Tu devrais en faire plus. Tu bois trop d'alcool. Tu devrais en boire moins. Tu ne vois pas assez tes amis. Tu devrais les voir plus. Tu arroses trop tes fleurs. Tu devrais les arroser moins.